Alors laissez-moi le temps de me déshabiller, de dégrafer ma jolie robe printanière ou estivale. Si elle dégrafe sa robe, j'enlève mon pantalon. Laissez-moi le temps, voilà. Alors voici notre troisième candidate. Bonjour mademoiselle, vous venez souvent ici? C'est la première fois que tu viens chanter? Oui. La première fois, on va voir ce que ça va donner. Pas que du bien, sans doute. Je cherche ma crotte de nez, je joue avec, j'aime bien avoir quelque chose dans les mains. Toi. Ça me donne de l'assurance. Je suis vraiment emmerdé.